Activité 20. 1. Mesdames, messieurs, nous vous rappelons que le poids maximum des bagages à main est de 12 kg. Les autres bagages doivent être enregistrés avant de monter dans l'avion. Merci. 2. Mesdames, messieurs, tous nos trains ont un bar pour acheter des boissons et des biscuits pendant votre voyage. Merci de votre attention et bon voyage. 3. Mesdames, messieurs, les quais 3 et 5 sont exceptionnellement fermés. Tous les trains partent des quais 2 et 4. Merci de votre attention.